Allez, qu'est-ce qu'il y a? Allez quoi mon pote? Qu'est-ce qui t'arrive frangin, putain? Pourquoi tu chiales comme ça? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Ce qui se passe pour moi, c'est ce putain de sentiment qui me prend au cœur de temps en temps. J'ai mal dedans. Dedans? Non, dedans. Ah. Ok, je vois ce qu'il te faut. Tu vas prendre ton casque et ta moto, tu vas voir, tu vas me suivre. Je vais t'emmener dans un endroit génial, un putain de bar qui est dans le 20ème. Là-bas, le vin il est pas cher et surtout il y a des femmes partout qui dansent presque nues. Et quand elles ont trop bu, alors elles se frottent contre tes hanches. Et là, je te jure, mon pote, putain, tu flanches. J'ai l'impression que t'as pas compris. J'ai la pression qui monte, je voudrais bien voir mon lit. Me couper de tout et surtout de la vie. J'ai cette entêtante mélodie qui me tente, je le dis. Même du rien, j'en ai pas envie. C'est beau ce que tu dis. Je vois ce que t'as cette fois. Je vois ce qui manque en toi. C'est la même chose que je ressens quand je replonge dans le quotidien où tout fout le camp. Et cet espoir qui ne sert à rien. J'aurais dû rester seul, c'est à cause de ma gueule que passe l'envie de rire. Je communique ce qu'il y a de pire. Viens frérot, notre cerveau t'inquiète, on va le faire fuir. On va se la faire à l'envers, refaire ce monde de merde. Dans un verre c'est la guerre des nerfs. Faut que je gère, que j'espère que je suis le zin de ce vin que j'ai pris.